Et toi tu ne me regardes même pas. J'ai envie de toi, je rêve de toi, et pour toi je n'existe même pas. Mais peut-être un jour par hasard tu perdras ton ennui de star. Mais qui sait, un jour sans histoire.